Radio Palestina Libération. Toute l'actualité et l'analyse sur la Palestine et Moyen-Orient, édition française, Alger, Beru, Paris. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info, largement consacré à la Journée internationale des femmes. Nous reviendrons sur les différentes célébrations à New York, mais aussi de par le monde, dans les agences de l'ONU ou encore dans les opérations de maintien de la paix. Ainsi, Laila Zeroghi, la représentante spéciale de l'ONU en RDC, est l'invitée de cette édition. Et puis, autre coup de projecteur, il concerne la réunion du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan. Let us declare loud and clear, the time is now. Thank you. En ce 8 mars, l'ONU célèbre donc dans le monde entier la Journée internationale des femmes. Au siège de l'organisation à New York, dans la salle de l'Assemblée générale, une cérémonie a eu lieu ce matin sur le thème « Il est temps ». Au nombre des invités, plusieurs activistes, y compris la star du film Black Panther, Danaï Gurira. Le secrétaire général Antonio Guterres a donné le coup d'envoi, appelant à nous unir en tant que partenaires, femmes et filles, hommes et garçons, pour faire de l'égalité des sexes une réalité pour tous. Selon lui, l'égalité des sexes est l'affaire inachevée de notre époque et il importe d'agir, y compris à l'ONU. Nous devons encore briser les barrières structurelles auxquelles les femmes et les filles sont confrontées. Travail de soins non rémunérés, rémunération inégale, stéréotypes nuisibles, discrimination et violence. Lorsque nous examinons le faible nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité dans le secteur privé, le monde universitaire, la politique et les organisations internationales, y compris les Nations Unies, nous devons tous dire « nous pouvons et devons faire plus ». C'est pourquoi je suis déterminé à réaliser la parité entre les sexes dans l'ensemble des Nations Unies. Pour la première fois, nous avons la parité au sein de l'équipe de direction de l'organisation et nous en sommes proches pour ce qui est des dirigeants des équipes de pays des Nations Unies dans le monde. Je suis déterminé à maintenir cet élan. Je suis également totalement attaché à la tolérance zéro du harcèlement sexuel. J'améliore la reddition de comptes et j'ai donné aux personnes qui éprouvent ou sont témoins de harcèlement le pouvoir de se présenter et de demander justice. Ce sont là les types d'actions dont nous avons besoin dans tous les secteurs. Dans l'actualité aussi, a signalé la réunion ce matin du Conseil de sécurité pour discuter de la situation en Afghanistan. À cette occasion, le représentant spécial du secrétaire général dans ce pays, Tadamichi Yamamoto, a souligné combien il était important d'inclure les femmes dans le processus de paix pour que celui-ci soit un succès. Jérôme Bernard nous en dit plus. En cette journée internationale des femmes, Tadamichi Yamamoto s'est dit impressionné par la résilience des femmes afghanes, qui jouent un rôle crucial pour maintenir la cohésion de la société. L'envoyé de l'ONU a déclaré qu'un processus de paix a davantage de chances de réussir lorsque les femmes font partie des négociations. Et il a salué à cet égard l'intention du président afghan de les inclure. Tadamichi Yamamoto a aussi salué l'adoption par le cabinet afghan d'un amendement destiné à protéger juridiquement les femmes de toute violence. S'agissant des pourparlers de paix, l'envoyé de l'ONU a souligné le succès du processus de Kaboul qui s'est déroulé il y a une semaine. Toutes les parties concernées, y compris les talibans, ont en effet agréé l'idée qu'un règlement politique négocié est la seule manière de mettre fin au conflit. Une journée internationale des femmes célébrée aussi par de nombreuses agences et programmes de l'ONU, à l'instar du HCR, qui plaide pour l'éducation des jeunes filles réfugiées. Dans le secondaire, elles sont deux fois moins nombreuses que les garçons à s'inscrire. Dans sa nouvelle publication « Son tour », l'agence pour les réfugiés signale une insuffisance critique et prend des mesures concrètes pour y remédier. Catherine Mahonnet, porte-parole du HCR. Si on peut recruter et former plus d'enseignants dans les communautés d'accueil et aussi dans les communautés de réfugiés, on peut les aider à interdire les comportements qui découragent les jeunes filles d'aller à l'école et aussi de rester en classe. Parce qu'en fait, l'éducation est synonyme de protection. L'éducation réduit la vulnérabilité à l'exploitation, à la violence sexuelle, aux grossesses. Et c'est vraiment les enseignants qui ont la capacité de changer et de promouvoir des meilleures pratiques pour que les jeunes filles puissent rester et aller à l'école. Et c'est aussi question des droits. Si les adultes réfugiés ont le droit de travailler dans le pays d'accueil, ils sont plus susceptibles de laisser leurs enfants à l'école parce que comme ça, les enfants, ce n'est pas à eux d'aider leur famille à survivre, inclus leurs jeunes filles. Autre agence et autre exemple d'appui aux femmes, celui du Mali, où le PAM, le Programme alimentaire mondial, vise à contribuer aux efforts du gouvernement pour aider les ménages les plus pauvres et vulnérables à l'insécurité alimentaire, à couvrir leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base et pour protéger et promouvoir leurs moyens d'exister. existence. Selon la représentante du PAM au Mali, Sylvia Caruso, l'accompagnement des femmes est critique. C'est pourquoi le programme soutient depuis plusieurs années le groupement de femmes productrices. La question vraiment de l'appui aux femmes et l'appui à une parité des genres est critique. Nous avons entamé depuis déjà plusieurs années des actions visant vraiment à soutenir les groupements, par exemple, de femmes productrices, les petites productrices, en essayant de les aider à se mieux structurer, à mieux vendre leurs produits, à améliorer leur qualité. Bon, il ne s'agit pas donc de programmes qui sont dans des produits transformés, mais plutôt les productions de base comme les productions de légumineuses et sous lesquelles on utilise aussi notre pouvoir d'achat pour garantir à ces petits groupements de femmes un marché régulier, bien sûr à condition que la qualité de la production soit conséquente et donc les amener petit à petit à devenir de véritables acteurs de marché. Retour sur l'actualité. En cette année électorale en République démocratique du Congo, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans ce pays, Leila Zerougui, plaide pour une plus grande inclusion des femmes congolaises dans l'espace politique afin qu'elles contribuent à la stabilisation de la RDC. La chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies déployée en RDC, répond aux questions de Jérôme Bernard. L'année 2018 est une année charnière pour la RDC. C'est l'année des élections nationales, présidentielle, législative au niveau national et provincial et aussi local. Donc c'est extrêmement important et tout le monde est mobilisé. Donc je pense que c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui aussi est en même temps tout l'espoir, mais toutes les tensions qui existent entre opposition, majorité, la violence prend des proportions qui sont aussi inquiétantes. Nous avons maintenant une crise humanitaire. Nous avons des gens qui sont déplacés. Des millions de Congolais ont été déplacés par la violence dans plusieurs endroits. Donc c'est énorme comme défi, mais en même temps c'est tellement important que nous, les Nations Unies, on fait tout ce qui est en notre pouvoir. Donc des défis énormes, nous sommes en train d'essayer de nous surpasser pour y arriver. Et donc j'espère vraiment qu'un jour je dirai que j'étais là quand le Congo a fait ses premières élections de transfert pacifique du pouvoir. Quel rôle les femmes congolaises peuvent jouer dans le processus politique et qu'est-ce que l'ONU fait pour faire en sorte que les femmes congolaises puissent être davantage incluses? À la différence de certains autres contextes, les femmes congolaises sont dans la rue. Elles travaillent, elles sont dans le marché, elles subissent la violence, mais elles sont là. Elles ne sont pas enfermées à la maison, elles ne sont pas entretenues. Elles travaillent, elles s'imposent, elles manifestent. Et elles peuvent faire la différence, il suffit de leur donner cet espace. Et c'est pour ça, moi, je crois que nous, les Nations Unies, nous allons tout faire pour faire en sorte que, un, on réagisse à toutes les violences qu'elles subissent, mais aussi qu'on leur donne cet espace. 47% des 46 millions qui se sont enregistrés sont des femmes. C'est 21 millions de femmes congolaises qui ont été faire la queue malgré les risques pour voter. Donc je crois que c'est une force extraordinaire et c'est une force aussi qui sait se surpasser. Est-ce que le fait que vous soyez une femme à la tête de la MONUSCO, une des plus grosses opérations de maintien de la paix de l'ONU, c'est quelque chose qui est important pour les femmes congolaises et quelque chose dont elles vous ont parlé? Vous savez, les Congolaises sont les premières à avoir adopté le plan d'action pour mettre en œuvre le processus qui a été lancé par UN Women et l'Union africaine sur les femmes pionnières, leaders, et elles étaient là, elles ont trois, une qui représente l'opposition, une la majorité, une la société civile. Donc oui, je pense que pour elles, c'est important d'avoir une femme à la MONUSCO, une femme qu'elles peuvent aborder. Oui, je pense que c'était important pour elles, j'espère ne pas les décevoir et être à la hauteur. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus de femmes à la tête des opérations de maintien de la paix des Nations Unies? Je pense qu'on a atteint un nombre tellement important par rapport à ce qu'il y avait avant, mais c'est toujours pas assez. Donc oui, il faut des femmes parce que notre rôle, c'est de pouvoir parler à tout le monde. On ne peut pas occulter 50% de la population et arriver à construire la paix. Parce qu'aujourd'hui, tous les conflits, c'est des conflits internes. Et on est en train de se battre entre nous. Donc les femmes peuvent jouer un rôle pour justement ramener la sérénité, la paix. Donc c'est important d'avoir des femmes qui ont aussi un accès plus facile à des femmes, qui les écoutent quand il s'agit de violences sexuelles, de choses qui portent atteinte à leur corps, à leur dignité, et peut-être elles ont du mal à parler à un homme. Ya tayr al-tayr ya rayh al-tayr, dahli عين الله والله يا مسافر شعلاني قلبي لي فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله ميل عصاب فتحول عقبري لا أكا وحيفة سلم عبارها لا تنسى الناصري هالقلعة العربية بشر بيساني برجعة أهلها شعبي على العذاب ومر عغزة بوسني راملها أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمة والأقصى عالمها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديارة يا طير الطاير يا رايح عالديري عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء Radio Palestina Libération. Toute l'actualité et l'analyse sur la Palestine et Moyen-Orient, édition française, Alger, Beyrouth, Paris.